Bien, on peut finalement passer à une autre de mes transformations favorites. Lorsqu'un mot français se termine par A-I-R-E, il donne souvent A-R en espagnol, comme on l'a vu pour popular ou solar. Mais il peut aussi se terminer par ario, A-R-I-O, ou aria, A-R-I-A, au féminin. Il n'y a pas de règle précise pour savoir quand utiliser l'un ou l'autre. Si vous vous trompez, toutefois, ce n'est pas grave. Votre interlocuteur vous comprendra. Comment diriez-vous alors? Je ne savais pas si la situation était réelle ou imaginaire. No sabía si la situación era real o imaginaria. No sabía si la situación era real o imaginaria. Ici, on utilise sabía, car on exprime en continuité. Je ne savais pas pendant un moment. Avez-vous retrouvé real? Nous l'avons vu juste avant dans realmente, pour réellement. Comment diriez-vous maintenant? Mes propositions ont été prioritaires. Réfléchissez bien. Il faut d'abord que vous utilisiez le passé sans plongeoir. Puis, vous devez accorder proposition avec prioritaire. Mes propositions ont été prioritaires. Mis proposiciones fueron prioritarias. Mis proposiciones fueron prioritarias. On a utilisé le passé sans plongeoir car on considère que les propositions décrites ont été faites à un moment précis dans le passé et la situation est maintenant complètement terminée. Si on avait voulu exprimer une continuité, on aurait dit « Mis proposiciones eran prioritarias ». Mes propositions étaient prioritaires. Vous avez accordé aussi, j'espère, « prioritarias » à « proposiciones ». À la place de « proposiciones », on peut aussi employer « propuestas », qui s'écrit « P-R-O-P-U-E-S-T-A-S ». Comment diriez-vous maintenant, en utilisant le passé sans plongeoir et « actos » A-C-T-O-S pour « acte »,« mes actes n'ont pas été arbitraires ». Mis actos no fueron arbitrarios. C'est incroyable, n'est-ce pas, de pouvoir dire une telle phrase? Mis actos no fueron arbitrarios. De nouveau, arbitrario n'est pas un mot que l'on emploie forcément tous les jours. Mais, comme je l'ai déjà dit, pourquoi ne pas l'employer? Vous pouvez retrouver facilement ces mots. Êtes-vous surpris d'ailleurs de voir combien de mots vous connaissez déjà en faisant juste quelques transformaciones? Voici maintenant une autre expression utile. Pour dire, au contraire, utilisez al contrario, que l'on écrit en deux mots. A-L, plus loin, C-O-N-T-R-A-R-I-O. Et si travail se dit trabajo, T-R-A-B-A-J-O, et que vous vous adressez à une personne que vous voyez, comment diriez-vous? Au contraire, je pense que votre travail est extraordinaire. Al contrario, pienso que su trabajo es extraordinario. Al contrario, pienso que su trabajo es extraordinario. Vous voyez de quoi vous êtes capable? Incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, comment diriez-vous en utilisant modificar que l'on a vu auparavant? Modifier ce texte n'est pas prioritaire, mais c'est nécessaire. Modificar este texto no es prioritario, pero es necesario. Modificar este texto no es prioritario, pero es necesario. Necesario n'a bien sûr qu'un seul S. On a fait une petite dernière. Si père se dit padre, P-A-D-R-E, comment diriez-vous? Mon père travaillait comme vétérinaire. Mi padre trabajaba como veterinario. Mi padre trabajaba como veterinario. On a utilisé les temps de longueur, car on décrit ici une action qui était continue dans le passé. Pour désigner une femme vétérinaire, on emploiera le mot vétérinaria en espagnol.